Dieu. Nous sommes d'abord, c'est tout. Alors, on a fait une affaire. Maman, papa, frère, cousin, cousine, tout est tout comme ça, nous sommes à le faire. Son mari a civil, on te réveille, bah oui, yé yé, ma petite est dans mon âme, oui. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui a moins 14 à 15 ans, depuis qu'on est dans ses soins, maman. Pour si on même qui a le courage, quand des coquerats, qui a fait ça, bec faire. Pour le mariage, mais c'est foutre malhonnête, yé yé. La petite est dans mon âme. Oui! Bon. Mesdames, rap danser là, yo. Ni ça campé, ni ça chita, ni ça rap danser. Ou pas ça dit, ou pas de connaître, j'ai non appris, j'achè ou. Pour mener, on vient danser, c'est l'air. Ou pas qu'à connaître. Devant l'arrivée là, non, bah là, la parle avec vous. Pour venir chanter une série de potes, une série de bagailles, de rôles, pas comprendre. Bien entendu, si bah là ton petit Jean, drôle, bagaille, choy, pic now, tu te fais pour expliquer ça. Alors lui-même, il t'a quitté ça. Bon. Monsieur jeune garçon, yo, ni ça campé, ni ça cap danser, ni ça chita. Bral bas nos conseils. N'a toujours pendant qu'on ça yo. Avant mais nos filles en balle, ou à chercher la calme, vous menez en balle. C'est question de fête et fourni. Fête et fourni. Sans gratter tête. Ou qu'on côté pour mener fille à d'abord avant de balle la velle. Parce que sous que malheur, rentrer en balle avec fille ça. Ou elle commande des boissons, ou commande manger, ou danser, ou pas dans la femme. Ou elle donne même encore. Parce que si vous avez acheté manger, danser, ouais. L'autre dit chérie, on fait une sortie non. Il va y avoir une autre question après pour nous. Qui s'en comprend la vie? Oh oui chérie, je me sens fatigué. Donc à la prochaine, vous êtes de côté de la guerre. Vous êtes de côté de la guerre. Et femme, c'est bête qui dit. C'est même quand on dit chérie, on fait des sorties. Il dit oui, c'est même quand on fout chavirer. Parce que ceux qui t'ont réfléchi, on va dans la femme encore. Bon. Par exemple, entre l'ambi, au moins des clés, ou pas femme dans les bras, Ou sorti dans la barrière. Ou ap marché. L'arrivé sous rail là, ou fait colonne à droite. Ou marché. Ou marché. Ou marché. L'arrivé dans l'autre barrière, ou fait colonne à droite encore. Ou arrive en dedans, ou fait colonne à gauche. Avec les portes la vie en face. Ou pour aller clé ou. Ou pour mettre la dame. Là où. Ouvre porte là. Là où. Ou pousser là-dedans. Là où. S'entendez. Bâton dans la classe. Bâton dans la classe. Bâton. Regardez non. Bah, là tellement bon pour moi. Je vais aller. Il est le soir. Soir. Ou se font un son. D'abord 10. Aïe aïe aïe. C'est alors ou entrer dans un club là l'équilé, ou acheter boisson, ou acheter manger, et vous tombez de ça. Et puis dans danser, ça qui arrive, ça qu'on fait à dire, monsieur, chéri, moi le don bagay là, puis qu'on fâche, non? Monsieur dit, foutre, dis-moi, soit bien, non, pour foutre dans des ou. Monsieur commence à énerver, hein? Oh oui, chéri, prends ma tasse avec vous là, dans mon contingent, 99 plus 1. 99 plus 1, ça donne combien? Ça donne 100. Pas que nous, on a qu'à l'école. 99 plus 1, ça donne rouge. Et puis, monsieur Vex, c'est bien difficile, ça comprend. Moi, font mon intéressant pour petit carotte chargé avec Zépina la donne. Pour petit carotte chargé avec Zépina. Ça le compte pour lui comme ça. Qui ça le compte pour lui comme ça? Fais expérience. Fais expérience. Pas bad de l'eau matin. Pas bad de l'eau à midi. Baba doit souhait, ou est-ce qu'il va foutre gâter dans mes ou? Regardez qu'on fait vous dire comme ça. On a besoin de 3 fois par jour. 3 fois par jour. Balti l'eau. Balti l'eau. Balti l'eau. Balti l'eau. Bon, si c'est vraiment foutre, c'est monté. Ou mettant de toute prière par une bon Dieu, mais prière pas de foutre rivé quand même. Qui que ça soit comment, qui que ça soit comment, que la police bon Dieu, donnez-moi votre affaire. Ça n'est pas ma fère, ça n'est pas ma fère, ça n'est pas fou tout à fait, ça n'est pas ma fère, ça n'est pas ma fère, ça n'est pas. Avec la foi, ça dépend. L'espérance, ça dépend. Sans la charité, ça dépend. Pas ma frère, ça dépend.